Chapitre 5. Madame Tristram, quand Newman lui fit part de sa visite sans résultat chez Madame de Saintré, le supplia de ne pas se décourager pour si peu, de mettre à exécution dans le courant de l'été son projet de voir l'Europe, puis de revenir en automne à Paris et de s'y établir confortablement pour l'hiver. « Madame de Saintré ne s'envolera pas, lui dit-elle. Elle n'est pas femme à se marier du jour au lendemain. » Et vous la retrouverez à votre retour. » Newman évita de prendre aucun engagement au sujet de son voyage et s'abstint de tout commentaire sur un changement possible dans la position de Madame de Saintré. Cette réserve était tout à fait contraire à sa franchise habituelle. Quoi qu'il en soit, il parla à Madame Tristram de choses et d'autres, plus ou moins importantes, mais sur ce point il fut impénétrable. Il prit amicalement congé de Monsieur Nioche, l'assurant qu'en ce qu'il concernait du moins, la Vierge Montaubleu elle-même aurait pu assister à son entrevue avec Mademoiselle Noémie, et laissa le petit vieillard caressant la poche de son gilet, tout à fait heureux matériellement et moralement. Newman quitta Paris, n'ayant en apparence d'autre but que d'aller au hasard, là où le pousserait sa fantaisie, mais en réalité avec un itinéraire parfaitement tracé. Nul homme au monde ne semblait moins pressé, et savait faire plus de choses en moins de temps. Il n'était jamais embarrassé de rien. Avec un instinct pratique incroyable, il trouvait son chemin dans les villes étrangères, comme par magie, et devinait, s'il ne les comprenait pas, les réponses des gens du pays à ses demandes de renseignements. En modifiant un vers célèbre, on eût pu dire de lui « C'est un questionneur tout à fait furieux ». Il voulait tout savoir, interrogeait sans cesse, et quoique les faits qu'il notait sur son carnet de voyage eussent peut-être semblé insignifiants ou puérils à la plupart des voyageurs, cependant une étude attentive de la liste eût prouvé que Newman avait un point sensible dans l'imagination. À Bruxelles, sa première étape après son départ de Paris, il fit force question sur les petites voitures traînées par des chiens et parut ravi de retrouver là ce symbole familier de la civilisation américaine. Mais il fut aussi très frappé de la beauté de la tour gothique de l'hôtel de ville, et se demanda s'il ne serait pas possible de construire quelque chose du même genre à San Francisco. Il resta plus d'une demi-heure au milieu de la place, devant cet édifice, courant risque à tout instant d'être écrasé par les voitures et prêtant l'oreille à un vieux cicérone sans dents qui marmottait en mauvais anglais la touchante histoire des comtes de Horne et d'Egmont, et il écrivit les noms de ces deux martyrs. Lui seul eût pu expliquer pour quelle raison, au dos d'une vieille enveloppe de lettres. Dans le principe, en quittant Paris, sa curiosité n'était que médiocrement excitée. Les amusements passifs qu'on trouve aux Champs-Élysées ou au théâtre semblaient plutôt convenir à ses goûts. Et quoi qu'il eût dit à Madame Tristram, « Je veux connaître le fond et le tréfonds », il ne se faisait nullement de son tour d'Europe un cas de conscience. L'Europe était faite pour lui et non pas lui pour l'Europe, pensait-il. Il voulait s'instruire, certainement, mais il eût éprouvé un certain embarras, et même quelque honte, s'il s'était surpris se regardant intellectuellement dans un miroir. Newman n'éprouvait pas ce sentiment de responsabilité qui tourmente les âmes délicates. Son principe, sa conviction était que la vie de l'homme doit être avant tout facile. Le monde, à son sens, était un vaste bazar, où chacun peut se promener à loisir et acheter ce qu'il trouve à son gré. Mais il ne comprenait pas plus la pression sociale sur les individus qu'il n'admettait les emplettes obligatoires. Toute gêne lui eût été insupportable. Il lui semblait non seulement désagréable, mais encore légèrement méprisable, de se croire obligé de calquer ses sentiments et ses idées sur un modèle donné. Réussir, prospérer, être de bonne humeur, prendre ses aises moralement et physiquement, ne jamais se faire de bile, tel était pour Newman le vrai programme de la vie. Il avait toujours eu en horreur de se hâter pour prendre un train, et toujours il était arrivé juste à temps. Quant à attendre dans les gares de chemin de fer, il laissait cela aux femmes, aux étrangers et aux autres personnes peu pratiques. Ces théories, une fois admises, nous devons reconnaître que Newman jouit de son voyage en véritable dilettante. Les théories, après tout, sont peu de choses dans la vie. L'important, c'est le caractère et l'humeur. Notre ami était intelligent. Il parcourut à loisir la Belgique, la Hollande, les bords du Rhin, la Suisse et le nord de l'Italie. Les guides et les valets de place n'eurent jamais de meilleures pratiques. Venait-on lui proposer, et on savait où le trouver, car au lieu de se renfermer et de se faire servir chez soi comme la plupart des voyageurs dont la bourse est bien garnie, il se tenait volontiers dans le vestibule ou sous le péristyle des hôtels. Une excursion ou une visite à une église, à une galerie, à des ruines pittoresques. Son premier soin, après avoir examiné le postulant des pieds à la tête, était de s'asseoir à une petite table et de demander quelque chose à boire. Le cicérone se retrouvait alors à une distance respectueuse. Autrement, je ne suis pas certain que Newman ne lui eût offert de trinquer avec lui, en le priant de dire franchement si son église ou sa galerie valait la peine de se déranger. À la fin, il se levait, faisait signe à l'homme au monument et tirait sa montre en le regardant bien en face. « Qu'est-ce que c'est ? » demandait-il. « À quelle distance ?» Et quelle que fût la réponse, s'il hésitait quelquefois, il acceptait toujours. Il sautait dans une voiture découverte, faisait monter son guide à côté de lui, afin de pouvoir le questionner en route, et ordonnait au cocher d'aller vite. Il avait horreur des mauvais chevaux. Si le but de l'excursion trompait son attente, si l'église était médiocre ou la ruine un simple amas de décombres, Newman ne se récriait jamais contre son cicérone. Il le regardait d'un œil impartial, écoutait religieusement le guide réciter sa leçon, demandait s'il n'y avait rien d'autre à voir dans le voisinage, et retournait à l'hôtel ventre à terre. Il rencontra, par hasard, en Hollande, un jeune Américain, avec lequel il se lia comme on se lie en voyage. Quoique leur caractère et leurs habitudes différassent à tout point de vue, pendant quelques semaines ils ne se quittèrent pas. Ce compagnon de voyage, du nom de Babcock, ministre unitaire, petit, mince, de tenue correcte, tiré à quatre épingles, avait une figure dont l'expression candide vous frappait tout de suite. Natif de Dorchester, dans le Massachusetts, il dirigeait aujourd'hui à Boston une petite congrégation religieuse. Il avait un mauvais estomac et ne se nourrissait presque exclusivement que de pain de gramme et de semoule. Ce régime lui paraissait tellement indispensable qu'il fut sur le point de renoncer à son tour d'Europe et de retourner en Amérique, quand, en débarquant au Havre, il s'aperçut de l'impossibilité de se procurer à table d'hôtes, ces mets inusités. À Paris, cependant, il avait fini par acheter un sac de gruau de froment à une agence dite américaine, où l'on vendait aussi les journaux illustrés de New York. Depuis ce temps, il ne voyageait plus sans son sac et son premier soin, en arrivant dans un hôtel, même aux heures les plus incongrues, était de se faire préparer et servir la précieuse semoule. S'ils n'eussent été en voyage et si loin de leur pays, ces deux hommes, si dissemblables, ne se fussent certainement jamais liés. Ils devinrent cependant tout à fait intimes, malgré le peu de points de contact de leur caractère. Newman, qui s'inquiétait médiocrement des effets et des causes, acceptait la situation avec une parfaite égalité d'âme. Quant à Babcock, il réfléchissait beaucoup, se retirant souvent de bonne heure dans sa chambre pour méditer consciencieusement et impartialement sur cette liaison imprévue, et se demandant s'il était bon pour lui de vivre dans une aussi étroite confraternité avec un homme dont la manière de voir et la façon de prendre la vie étaient si peu en harmonie avec ses principes à lui. Sans doute Newman était un être excellent, un noble cœur. Sans doute on ne pouvait s'empêcher de l'aimer et de l'estimer. Mais n'était-ce pas le devoir du ministre unitaire de faire tous ses efforts pour secouer l'indifférence morale et religieuse de son compagnon ? Ne devait-il pas user de son influence pour éveiller en lui le sentiment de ses devoirs les plus stricts ? Newman trouvait tout charmant, acceptait tout, s'amusait de tout, il ne critiquait jamais. Il n'avait pas le goût élevé, pas de délicatesse dans le jugement. Il était banal. Ce Babcock, lui, était fou des églises et des tableaux. Tout ce qu'il voyait l'impressionnait profondément. Et il était censé s'occuper à analyser ses sensations. Au fond, il détestait l'Europe. Et la tolérance irraisonnée, le contentement naïf de Newman lui arrachait des protestations indignées. Le malaise moral de ce pauvre clergyman était, j'en ai peur, inguérissable. Il ne comprenait pas le caractère des Européens, souffrait du climat européen et trouvait inacceptable l'heure à laquelle on dîne en Europe. La vie européenne lui semblait impure et sans scrupules. Pourtant, il avait un vif sentiment de la beauté, et comme à chaque pas il rencontrait de belles choses sur sa route, comme avant tout il voulait être juste et impartial, il ne pouvait se décider à porter un jugement par trop sévère, quoique dans son opinion intime il fût mérité. La grande querelle de M. Babcock avec Newman roulait sur le calme où le vice laissait ce dernier. Le ministre unitaire, d'ailleurs, en savait à peu près aussi long sur le vice qu'un enfant à la mamelle. Il avait donc été très choqué en découvrant qu'un de ses anciens camarades de collège, étudiant architecte à Paris, entretenait une intrigue amoureuse avec une jeune personne qui ne paraissait pas s'attendre le moins du monde à ce qu'il l'épousât. Babcock avait confié cette aventure à Newman, et notre ami avait décerné une épithète peu flatteuse à cette jeune fille exempte de préjugés. Le lendemain, son compagnon lui demanda s'il croyait avoir employé le terme exact pour désigner la maîtresse du jeune architecte. Newman le regarda surpris et répondit en riant « Oh, il y a plusieurs mots qui expriment cette idée-là. Vous n'avez que l'embarras du choix. Non, je veux dire, n'est-il pas possible d'envisager la chose sous un jour différent? Ne pensez-vous pas que peut-être elle espère qu'il l'épousera? Ma foi, je n'en sais absolument rien. Sans aucun doute, c'est une femme irréprochable. » Et il se reprit à rire. « Ce n'est pas cela que je veux dire, » repartit Babcock. « Seulement, je crains qu'hier, nous n'ayons pas considéré, nous ayons oublié... Enfin, je vais écrire à Percival ce soir. » Il écrivit à Percival, et Percival répondit sur un ton légèrement impudent. Babcock réfléchit alors que Newman avait peut-être été un peu prompt à déclarer cette jeune femme irréprochable. La façon brève et nette dont Newman formulait ses jugements choquait la conscience timorée du ministre unitaire. Il avait en effet une manière de condamner les gens sans appel ou de les proclamer parfaits malgré de fâcheux symptômes qui mettaient le pauvre homme sur des charbons ardents. Et cependant, plus ce joyeux compagnon l'embarrassait et le peinait, plus il prenait à cœur sa conversion. Hélas, il y perdait son latin. Newman, certainement, admirait fort les principes, et surtout Babcock, d'en avoir autant à sa disposition. Il acceptait avec une grande déférence tout ce qu'il lui offrait en ce genre, mais il faut croire qu'il s'empressait de mettre en lieu sûr, aussitôt reçu, ses précieux présents, car l'infortuné Babcock ne les retrouvait jamais parmi les articles dont Newman se servait pour son usage journalier.